Donc, les quatre interdits, le premier, c'est at-tahrif. At-tahrif, c'est la falsification. La falsification qui peut avoir lieu dans les termes, comme elle peut avoir lieu dans les sens. La falsification des termes, par exemple, changer une lettre ou changer un mot dans le Coran ou dans Sunna authentique, changer une haraka, une voyelle, comme l'égaré, le Jahm ibn Safwan, la tête de l'Jahmiya. Il disait qu'il aurait souhaité changer une haraka dans un verset. Le verset, c'est Wa kallama Allahu Musa taklima. Wa kallama. Kallama, c'est un verbe. Le nom d'Allah, c'est le sujet. C'est-à-dire, c'est Allah qui a parlé. Musa, c'est le complément d'objet. Allah a parlé à Musa. Lui, il voulait mettre une fatha à la place de Dhamma dans l'Allah. Il voulait falsifier le verset en disant Kallama Allah Musa, pour que Musa devienne le sujet. C'est-à-dire, c'est Musa qui a parlé à Allah. Parce que lui, il nie l'attribut de la parole à Allah subhanahu wa ta'ala. Et un grand savant de la langue arabe, qui est Ibn al-Arabi, il lui a dit, même si on suppose que tu arrives à faire ça, alors que même dans ce verset, c'est pas possible. C'est pas possible du point de vue arabe. Et c'est pas possible aussi du point de vue qu'Allah a préservé son livre et personne ne peut l'altérer. Du point de vue arabe, parce qu'Allah, il dit, wa kallama Allahu Musa taklima. Quand tu dis taklima, yani ça affirme que c'est Allah qui a parlé, sans rentrer dans les détails. Il lui a dit, mais comment tu vas faire avec l'autre verset dans lequel Allah il dit, Walamma ja'a Musa li miqatina wa kallamahu rabbuh. Kallamahu rabbuh. C'est pas possible de dire kallamahu rabbahu. C'est pas possible en arabe. Car le sujet, ici, celui qui a parlé, c'est Allah. Et ça n'admet pas un autre sens.